Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la mainmise de l'Église sur les sports et les loisirs jeunesse jusqu'à la Révolution tranquille. Ici, dans Montréal, nous avons 2000 scouts. Ils sont répartis en 60 groupes à peu près. Chaque année, ces troupes vont camper en plein bois et c'est là que se donne la formation scout la plus intégrale que l'on peut. Avant la Révolution tranquille, l'Église contrôle à peu près tout en matière de sport et de loisirs jeunesse au Québec, y compris le scoutisme. Pour le chanoine Raoul Drouin, qu'on entendait dans cet extrait qui date de 1947, le mouvement scout et les camps d'été scout sont un moyen d'offrir aux jeunes l'accès à des loisirs, mais restent surtout, pour l'Église, un formidable outil de formation et d'éducation de la jeunesse. En fait, au Québec, l'Église catholique va très vite comprendre que le domaine des sports et des loisirs peut servir à transmettre certaines valeurs traditionnelles à la jeunesse, en plus de lui inculquer les grandes croyances et les grandes valeurs chrétiennes. Il est urgent d'orienter les loisirs de toutes les classes de la société, de sorte que cette portion de la vie demeure tendue vers le perfectionnement de la nature humaine, à quelque étape qu'elle soit parvenue. La jeunesse réclame que l'on vienne au devant de ses besoins, de ses aspirations, de ses soifs, qui la livre aveuglément à tous les dangers dans sa course au plaisir, à la nouveauté, à la liberté licencieuse. Organiser les loisirs de la jeunesse d'aujourd'hui, cela veut dire préparer les structures de la cité de demain. L'œuvre des terrains de jeu, celle des colonies de vacances, ont réussi à entrer, pour ainsi dire, dans nos mœurs. Et sur nos terrains de jeu, dans nos parcs, ici, dans la ville de Montréal, il s'accomplit, durant les vacances, une œuvre d'éducation extraordinaire. Il ressort que les centres neutres de loisirs ne sont pas acceptables. L'archevêque de Montréal, le cardinal Paul-Émile Léger, à l'occasion d'un discours qu'il livre à la radio en avril 1959, pour nous parler de l'importance et du rôle que va jouer l'Église catholique dans l'organisation du sport et des loisirs offerts à la jeunesse québécoise jusque dans les années 60, au fond, mon invité, l'historienne France Laure, associée à Pirogue Communication, une firme d'historiens-conseils spécialisée dans l'histoire des communautés religieuses. France Laure, bonjour. Bonjour. Quand et pourquoi l'Église décide-t-elle d'investir ce champ des sports et des loisirs jeunesse au Québec? Alors, dès l'industrialisation et l'urbanisation du Québec, donc au 19e siècle, mais principalement vers la fin du 19e siècle, l'Église veut répondre à l'offre de loisirs commerciales qui débarque en ville et répondre aussi à un besoin social d'éloigner de la rue les enfants qui travaillent moins à cause des revendications syndicales et aussi qui, donc, vont de plus en plus à l'école. Donc, on veut les éloigner des dangers de la rue, des mauvaises fréquentations. Et donc, c'est une forme de lutte contre la délinquance. Mmh. Il y a une crainte de l'Église. On veut protéger les bonnes mœurs pour qu'on comprenne bien cette transformation là, au 19e siècle avec l'urbanisation, l'industrialisation dont vous nous parlez. C'est quoi cette menace, ces nouveaux loisirs que craint l'Église, qu'est-ce que c'est? Il y a toutes sortes de loisirs. Il y a des sports de spectacle, par exemple, comme la boxe ou la lutte, qui sont dénoncés pour leur violence. On critique les sports comme la natation parce que évidemment on est très dévêtu et il y a cette crainte du corps. Même le ski est suspect parce que c'est un endroit où garçons et filles peuvent se rapprocher et donc avoir potentiellement des mauvaises fréquentations. Puis avec le temps qui passera, évidemment, les salles de danse, le cinéma, tout ça, c'est pour l'Église, là, il y a quelque chose d'un peu qu'il faut contrôler. C'est un peu ça l'idée. Oui, bien, on se rappelle de l'incendie du Laurier Palace en 1927, où plusieurs enfants sont morts, ont été comme un peu piétinés, finalement, dans la panique de cet incendie. Et l'Église a vraiment imposé que les enfants non accompagnés de 16 ans et moins ne puissent plus y aller. Et cette interdiction-là va durer jusqu'en 1967. Mmh. Donc, à cette époque-là, l'Église a le bras long, oui. Le bras lourd aussi. Et l'Église, dans le domaine du cinéma, comme dans l'ensemble des sports et loisirs jeunesse au Québec, mais j'allais dire, l'Église va récupérer aussi cette activité cinéma. Il y aura cette règle qui interdit aux enfants de moins de 16 ans d'aller au cinéma non accompagné dans les cinémas commerciaux, mais il y aura évidemment des salles paroissiales. L'Église met la main, puis en choisissant évidemment, les films, puisqu'on contrôle les projections qui seront présentées dans ces salles paroissiales. C'est ça l'idée, là. C'est d'occuper la jeunesse, mais c'est aussi d'encadrer, d'éduquer cette jeunesse-là. Comment se positionne l'État, les politiciens, qu'est-ce qu'ils pensent de cette mainmise de l'Église sur le domaine des sports et loisirs? Il y aura, on va le voir déjà avec l'extrait qui suit, une espèce d'entente tacite. Ça fait un peu l'affaire de tout le monde. Écoutez, vous allez voir, c'est assez intéressant. Camillien Houde, lors d'un discours qu'il prononce le 26 avril 1946. La semaine du 27 avril au 4 mai a été choisie cette année comme la semaine de la jeunesse de la ville de Montréal. À cette occasion, je crois devoir attirer l'attention de la population sur l'intérêt que nous devons porter à nos jeunes, à leurs besoins, à leurs problèmes, à leurs espoirs, à leurs activités et initiatives. Il importe aussi de susciter et d'encourager les mouvements susceptibles de former leur caractère, d'améliorer leur sort, en rendant possible leur plein développement physique, intellectuel et moral, et en mettant en relief et au premier plan le rôle du foyer, de la religion et de l'école dans cette formation indispensable. Notre intérêt le plus cher exige que cette semaine-là, nos jeunes puissent sentir l'appui de tous et de chacun d'entre nous en particulier. Alors, comment ça va se passer, cette collaboration entre l'Église et les pouvoirs publics et les politiciens de l'époque, dans le fait qu'on confie au fond, ou en tout cas on laisse le champ libre à l'Église catholique pour organiser cette offre de services en matière de sport et de loisirs jeunesse France-Laure? On a l'impression, en écoutant Camillien Houde, que tout ce monde-là marche main dans la main, là. Oui, bien, on a l'impression presque encore d'écouter le cardinal Léger, en fait. Le même discours, les mêmes valeurs. En fait, l'État va avoir une attitude très permissive, non directive, un rôle subsidiaire, en fait. Et c'est aussi le rôle que l'Église veut que l'État Parce que pour l'Église, clairement, c'est pas l'affaire de l'État de s'occuper de sport, de loisirs. On pourrait même dire, par extension, de santé ou d'éducation. Tout à fait. Ouais. Pour l'Église, l'État est là pour fournir des terrains de jeu, des subsides, pour légiférer, par exemple, en matière de cinéma ou autre, pour gérer les abus, mais n'est pas là pour penser, organiser le loisir et même pas pour exécuter, si vous voulez, ce que l'Église a comme plan pour les loisirs. Mmh. Dans les faits, comment va s'organiser, puisque l'État reste là, on réclame, vous le disiez, l'Église compte quand même sur certains subsides, en même temps que l'État se libère d'une charge financière importante parce que l'Église va en ramasser une part du financement de ses activités de sport et de loisirs. Mais comment s'organise l'offre et comment collaborent concrètement les villes, l'État, les villes et l'Église catholique dans l'organisation de cette offre? On écoute le directeur du service des parcs de Montréal, Claude Robillard, qui répond aux questions de Jean Fontaine à l'émission Le Journal des Jeunes du 8 juillet 1956. Combien est-ce qu'il y en a de parcs, de terrains de jeu ici dans la ville de Montréal? De parcs, nous avons quelque chose comme 300 parcs, mais dans lesquels nous organisons 115 terrains de jeu. 115 terrains de jeu dans tout le monde? Oui, où nous fournissons les services de moniteurs et de monitrices, en tout 480 moniteurs. Oui, je comprends. Maintenant, ces moniteurs et ces monitrices dont vous venez de parler, là, est-ce qu'ils doivent subir un entraînement spécial pour occuper ce poste? Oui, ils se sont tous préparés en suivant des cours que nous avons organisés pour eux, et ils ont tous leur certificat. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs beaucoup d'expérience et savent très bien intéresser les enfants au programme récréatif. Je pense qu'un terrain de jeu peut devenir vite ennuyeux si le moniteur ne sait pas le rendre intéressant, mais tous sont bien préparés à rendre le programme fort intéressant. C'est pourquoi je n'hésite pas, mes chers enfants, à vous inviter à fréquenter le terrain de jeu le plus près de chez vous. Vous y serez reçus à bras ouverts par le moniteur et la monitrice qui sont là spécialement à votre service. Restons, France-Laure, sur, puisqu'on parle avec Claude Robillard, on entendait nous parler des parcs, des jeux qui sont offerts aux jeunes Montréalais. Parlons un peu dans ce secteur-là, par exemple, de la manière dont se départagent les tâches entre l'Église et la ville de Montréal. Comment s'organise l'offre? Qu'est-ce qui appartient à la ville? Qu'est-ce qui appartient aux communautés religieuses dans ce domaine, par exemple, des parcs, des jeux? Bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, pour l'Église, ce n'est pas l'affaire de l'État parce qu'elle considère que son réseau d'œuvres et d'organisations pour la prise en charge des loisirs et la lutte contre le loisir de masse est supérieur à celui de la ville, qui est très, très embryonnaire. Mais il y a une collaboration quand même. Claude Robillard parle de 300 parcs à Montréal. Est-ce que les parcs sont municipaux? Je sais qu'il y a un programme, par exemple, qui va être très, très populaire, que l'Église va mettre sur pied, les fameuses OTJ, les œuvres de terrain de jeu. Là, on est vraiment dans ce champ-là. Mais le terrain, le parc, comment ça marche, en fait? Le parc appartient à la municipalité? Oui, la ville fournit le parc. Ouais. Et c'est à la charge de la paroisse, parce qu'en fait, l'OTJ, sa base, son unité de base, c'est la paroisse. Donc, c'est une œuvre paroissiale. Et l'OTJ, elle, va organiser les loisirs et va aussi s'occuper des équipements, mais toujours avec des subsides de la ville. Et la programmation, quand on pense à ce que vont faire les jeunes, ça, c'est l'Église qui décide de ça. Oui, la programmation est décidée. Bon, il y a un aumônier, n'est-ce pas, qui chapeaute chaque œuvre des terrains de jeu. Et il a une équipe de moniteurs qui sont triés sur le volet. Hein, c'est un peu les mêmes critères pour recruter les moniteurs, finalement, que pour recruter des nouveaux religieux ou religieuses dans les communautés religieuses. D'ailleurs, les franciscaines missionnaires de Marie vont dire que leur patrouille du dimanche, c'est en fait le vestibule du noviciat. Donc, on repère là des jeunes candidates ou des jeunes candidats pour ceux qui feront leur prêtrise. On les repères dans ces activités de sport et de loisirs jeunesse organisées par l'Église. Parler du patro, il y aura, donc, ça prend toutes sortes de formes. Il y a les OTJ, donc les œuvres de terrain de jeu, il y a les patros, il y a le scoutisme, il y a le guidisme. C'est vraiment réparti dans différents canaux, ce programme de sport et loisirs jeunesse. Mais à quoi ça ressemble, ce qu'offre l'Église? Quel genre d'activités sont offertes aux jeunes? Sur le plateau Mont-Royal, on a les jésuites qui ont juste à côté là, le parc La Fontaine, où ils organisent toutes sortes de jeux, des ligues de baseball. Il y a du patin l'hiver. Bon, si on parle plutôt des années 50. Il y a même les jésuites nolisent des autobus et vont faire du ski dans les Laurentides avec les jeunes. Donc, l'offre est différente d'une paroisse à l'autre, dépendamment aussi de la personnalité de l'aumônier en charge. Au Centre Immaculée Conception, dans la paroisse des Jésuites sur le plateau, ben, c'est le père Marcel de la Sablonnière qui a commencé en 1951, alors qu'il a 33 ans. C'est le directeur des sports au Collège Sainte-Marie. Ouais. Il est aumônier déjà de terrain de jeu. Donc, il a un dynamisme contagieux. Parler du père Sablon, le père Marcel de Sablonnière, qui effectivement va avoir à cœur toute sa vie de tourner la jeunesse vers le sport. Écoutez-le, il est très critique dans cette entrevue qu'il accorde à René La Rochelle à l'émission Partage du matin en 1962. Il est très critique de ce que lui considère comme un vrai retard du Québec français, catholique à l'époque, par rapport au reste du Canada, mais même par rapport aux anglophones qui sont dans l'ouest de Montréal. Grand retard pour lui sur le plan de l'activité sportive de notre jeunesse. Vous avez même posé un jugement sévère. Vous avez dit que ici nous sommes des illettrés en éducation physique. On ne comprend pas encore suffisamment que l'éducation physique doit faire partie intégrante de l'éducation. Si on compare le Québec aux provinces de l'Ouest, de l'Ontario, je pense que nous sommes en retard. Je posais dernièrement à des jeunes filles de 9e année dans une école combien avaient, n'est-ce pas, qui avaient leur diplôme de natation. Une ou deux avaient un diplôme juvénile de natation. Alors, je suis sûr que si on avait posé cette question-là en Colombie-Britannique ou en Alberta, la réponse aurait été beaucoup, beaucoup plus forte. Même dans l'ouest de la ville, dans nos écoles protestantes ou juives, les enfants sont beaucoup plus sportifs. J'ai siégé, moi, dernièrement, à Ottawa, au Conseil national de la santé, au sein d'un comité spécial d'octroi de bourses pour les postgradués. Mais je peux vous dire, et puis j'ai même eu honte à ce moment-là, sur 100 demandes de bourses qui nous ont été proposées à l'étude, eh bien, il n'y avait que 4 qui venaient de la province de Québec. La plupart des demandes de bourses nous venaient de l'Ouest, de la Colombie-Britannique, d'Alberta, Saskatchewan. Alors, il n'y a pas, c'est pas assez veillé. Je suis sûr, moi, que nous ne nous trompons pas en disant que nous tirons de l'arrière énormément dans ce domaine de l'éducation physique. Sommes-nous si en retard dans le domaine de l'éducation physique à ce moment-là, France Laure, et pourquoi? Bien, on l'est sans doute un peu, mais peut-être que le père Sablon est un peu sévère. On peut voir dans les journaux dans les années 1890, donc à la fin du 19e siècle, que les Sœurs Grises et les Sœurs de Sainte-Croix utilisent un programme développé par un maître d'armes, là, David Legault, un maître d'armes laïque. Donc, ils utilisent ce programme-là dans leurs écoles. Donc, l'éducation physique n'est pas absente, mais je parlais tout à l'heure de la méfiance du corps. Donc, le sport, c'est beau, mais il faut pas trop s'enthousiasmer. Faut pas y aller vers l'excès. Et le père de la Sablonnière, lui, dans son centre de loisirs, tout en favorisant le loisir pour la masse, pour la population en général, a beaucoup poussé le sport d'élite. Et donc, il a développé des gymnastes olympiques dans son centre, même des boxeurs. Mais ça, on est après la Deuxième Guerre mondiale. On est dans les années 50. Donc, il fait aussi le départage. Il dit, c'est plus développé au Canada anglais, mais même dans le Montréal anglophone. Est-ce qu'il n'y a pas quand même, effectivement, du côté anglophone, une espèce de tradition qui, au fond, nous ramène à l'Empire britannique, où partout dans l'Empire, les sports de la métropole vont être développés avec les Anglais qui se promènent partout dans le monde, en Inde, au Canada. Ils amèneront une tradition sportive qu'on a peut-être moins du côté francophone. Tout à fait. La bourgeoisie, la noblesse anglophone d'origine britannique amène ça au Québec. Et donc, ils ont des clubs de curling, des clubs de jeux athlétiques, de courses, de raquettes. Et l'Église se méfie. Souvent, ces clubs sont des clubs neutres. Et donc... Donc non confessionnels. C'est ça. Ouais. Et donc, l'Église se méfie de ça. Pour eux, ce sont des importations protestantes et anglophones. Donc, déjà là, la langue et la foi sont malmenées. Ouais. Un élément qu'on ne peut pas contourner, c'est vraiment flagrant. On a dit d'entrée de jeu que cette mainmise de l'Église, c'est un outil formidable pour entrer dans la tête des jeunes, au fond, pour leur inculquer des valeurs traditionnelles, conservatrices. Et ça touche évidemment à la place qu'on fera ou qu'on ne fera pas aux jeunes filles. Comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Sur le moment où les jeunes filles vont être incluses dans ces activités et sur la différence de ce qu'on leur fera faire par rapport aux jeunes garçons, parce qu'il n'y a pas de mixité, là, on n'est pas là-dedans, ça c'est inconcevable. Non, bien, si on prend l'exemple des patros, dont la devise est « prier et jouer », donc pas seulement « jouer », bien, les filles vont être intégrées dans les patros seulement à partir des années 50. Alors, ça commence pour les petits garçons au 19e siècle, fin 19e. Oui. Et donc, les communautés religieuses de femmes vont pallier à ça avec des formes adaptées qu'on va, par exemple, appeler le patro du dimanche. Donc, le dimanche après-midi, on prend les jeunes filles, ça soulage aussi les parents qui ont leur après-midi. Et on leur fait faire des jeux, mais on va leur faire aussi des prières, des lectures de la Bible ou... Il y a tout un équilibre là, entre le jeu et la prière. Mais aussi, si on regarde, par exemple, chez les guides, les disciplines qu'on va imposer aux filles, en plus de certaines activités là, qui sont générales aux garçons et aux filles, on va leur faire faire du ménage, on va leur faire faire la cuisine, la couture. Donc, les épreuves, en fait, pour avoir un badge pour avancer dans cette hiérarchie du guidisme, ben ça peut être de finalement exécuter une recette de cuisine comme donc, il faut. Donc, des rôles très, très traditionnels. Pour faire court, mais pour faire image, pendant que les gars jouent au lasso, les filles jouent au ballon, les filles font des gâteaux. C'est un peu ça. Oui, c'est un peu ça. En fait, ce sont, on les prépare à leur rôle familial, ouais. En fait. C'est ce qu'on fait. Mm-hmm. Ça se termine quand et pourquoi cette mainmise de l'Église sur ce secteur des sports et loisirs au Québec? Bien, en fait, l'Église va être un peu victime de son succès. En 1964, dans un rapport, on recense plus de 1000 OTJ. Et donc, ce dynamisme de l'œuvre des terrains de jeu, bien, ça a un coût. Ça prend des terrains, ça prend de plus en plus d'équipements. Et aussi, donc, la ville va devenir de plus en plus engagée. Et même, il y a des équipements, si vous voulez, supra-paroissiales, comme les arénas, les piscines, qui vont être créés. Et donc, là, on va défaire un peu l'organisation paroissiale. Et la ville, à un moment donné, va se dire... on investit, donc on voudrait être plus impliqué dans la programmation et tout. Puis il va arriver la Révolution tranquille aussi. Et donc il va y avoir une réforme, par exemple, au niveau de la loi des fabriques, où les paroisses ne pourront plus posséder des équipements sportifs, par exemple. Et donc, ils vont s'en départir au profit des municipalités. Et donc, toute cette expertise qui a quand même été développée par l'Église au niveau des sports et loisirs, des techniques des loisirs, de l'organisation des loisirs, va être transférée à la municipalité. Parce que ces moniteurs-là qui ont été formés vont devenir les premiers fonctionnaires, finalement, du loisir municipal. Comme dans à peu près tous les autres, je pense à la santé mentale, mais tout ce qui était dans le domaine des services sociaux, il y aura cette transfert avec cette construction d'un État moderne au moment de la Révolution tranquille. France Laure, merci beaucoup. Merci. France Laure, je vous le rappelle, est historienne associée au groupe Pirogue Communication, une firme d'historiens-conseils spécialisée en histoire des communautés religieuses. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Alexandre Bélanger. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine. Je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais un peu de temps, je t'en fais